Donc bonjour, je m'appelle Laurent, et vous ? Emmanuel. Que faites-vous ? Je suis chauffeur de bus. De devoir respecter des horaires, est-ce stressant pour vous ? Non, pas pour moi. Et le soir, prenez-vous le temps de cuisiner ? Ma femme, oui. Et vous, non ? Non, pas du tout. Par contre, je m'occupe de ma fille, quoi. Donc, c'est-à-dire, quand je fais un matin, je vais la chercher à l'école, à 15h, et puis alors, comme elle est encore petite, ben c'est les bains, c'est s'occuper d'elle. Je participe à la cuisine, c'est pas ça, hein, mais c'est pas moi qui fais à manger, qui décide du repas et tout ça, quoi. Donc, le temps est bien chargé pour vous ? Est-ce que vous avez la liberté de penser encore à vous ? Oui, je travaille encore un peu sous le côté, donc... en fait, je fais deux métiers différents. Mais je travaille dans un funérarium. Monter un truc qui a rien à voir avec, avec le bus. Avant ça, j'étais ambulancier, puis maintenant, je suis funérarium. Ambulancier bénévole, quoi. Mais ici, je fais pas les enterrements, je fais chercher les cadavres, là où il y en a, quoi. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais les chercher soit s'ils sont décédés à domicile, à l'hôpital ou sur la voie publique. Je l'amène soit à la mort communale, parce qu'il y a bien il y a des règles, vous savez. Soit à la mort communale ou alors au funérarium local, quoi. C'est tout ce que je fais. C'est un sacré métier, ça, non ? Ça va, quoi. Ouais. Ça va. On attrape vite l'habitude. Ben, j'ai toujours eu l'habitude, quoi. Donc, parce qu'en ambu, c'est un peu plus trash, quoi. Non, c'est le morceau qu'on ramasse. Si généralement, le funérarium, 95% ce sont les personnes qui sont mortes de causes naturelles. Bon, oui, c'est deux choses différentes entre le bus et le funérarium. Voilà. Et il vous est déjà arrivé des choses particulières justement dans ce métier-là ? Au funérarium ? Ouais. Une anecdote ou... On a été chercher un monsieur qui était mort, qui était décédé depuis 4 mois dans sa maison. Et il en restait plus rien, il était liquide, quoi. Donc elle a dû le prendre avec les pompiers et le jus du corps passait par en dessous du drap. On ne sait pas faire autrement, quoi. Et alors une autre anecdote, un suicide, un monsieur aussi qui était mort depuis quelques mois dans sa voiture et dans son garage. Lui, on a dû le décoller du siège. Il était nu, donc avec la putréfaction du corps. Est-ce qu'il vous arrive de procrastiner ? Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire reporter au lendemain ou à plus tard. Qui doit être fait, hein. Donc vous faites toujours ce que vous avez prévu de faire. Ouais, exactement. De remettre au lendemain, c'est peut-être cumuler des choses et puis après plus s'en sortir. Donc moi je suis le principe, s'il faut faire quelque chose maintenant, je le fais maintenant, quoi. Mais pas attendre 15 jours, sinon c'est l'accumulation de plein de choses. Même après, si on vous s'en êtes sort pas, tellement fatigué par... Par le travail. Par le travail ou... Ben ouais, mais alors ça dépend quoi alors. Hein. Il y a peut-être des choses qu'on peut reporter, il y a des choses qu'on ne doit pas reporter. Moi je sais pas, par exemple, des paiements qui doivent être faits, ben le paiement il arrive, tu le payes directement, quoi. T'attends pas qu'un jour t'as un rappel avec une amende de 5 euros parce que t'as oublié, tu le fais directement, quoi. Par contre, il y a des choses, c'est sûr que des petites courses par exemple ou de la vie quotidienne, on se dit on peut attendre demain pour aller chercher ou après-demain parce qu'il n'y a pas d'urgence, quoi. Ça dépend si on est dans l'urgence ou pas. Voilà. Et il vous arrive souvent d'arriver en retard ? Non, jamais. Jamais ? Ça fait 21 ans que je suis ici, je suis arrivé une fois en retard. Et à la prise de mon service, hein, je parle pas sur la ligne. Mais sur la ligne, justement. Hein, sur la ligne de bus. Quand je roulais sur Bruxelles, c'était à chaque voyage, quoi. Chaque voyage. Sauf pendant les vacances scolaires où c'est un peu plus relax. Mais bon, quand on roule sur Bruxelles, c'est pas comparable à ici. C'est la circulation, c'est les doubles fils, les triples fils, le tram qui bloque tout, des gens à chaque arrêt. Si je vais partir sur Rotigny, ça peut, pendant 10 arrêts, je vais pas m'arrêter. Et donc vous arrivez à l'avance ? Non. Ouais, jamais ? Non, ça m'arrive de rouler à l'avance. Ça m'arrive, mais on fait attention de ne pas exagérer. Alors on s'arrête un peu plus loin, on attend. Et les gens sont fâchés quand ils sont quand ouais, on va le bus à Bruxelles ? À Bruxelles, oui. À Bruxelles, ouais. Ils sont pressés, ils sont stressés, ils disent pas bonjour. Ici, d'ailleurs, j'ai roulé pendant 17 ans sur Bruxelles. Et pendant 17 ans, on vit dans une bulle et on parle plus aux gens, quoi. On parle pas et on regarde comme ça, on dit bonjour. Quand on vous dit bonjour, vous répondez pas. Donc quand j'ai commencé à rouler sur Nivelles, les gens sont plus aimables, sont moins stressés. C'est bonjour monsieur, au revoir monsieur, bonne journée. Bon, au début, on m'a remis à ma place, évidemment, parce que je ne répondais pas. J'étais encore dans l'optique de bruxellois. Et on fait comment, comme ça, pour vivre dans sa bulle? Ça vient naturellement. Ouais. Ça vient naturellement. Bon, au début, on essaye. Hein. Au début, on essaye d'être courtois, d'être gentil, mais ça va pas, ça. On va pas plus vous déranger. Hein. Est-ce que je dois partir de Normandie? Merci. Hein.